les États-Unis et leurs contradictions aujourd'hui, le système carcéral. Vous êtes le directeur de la prison. Qu'est-ce qu'un prisonnier peut attendre de la vie en prison? Nous essayons de savoir si le prisonnier a un métier, s'il avait un métier quand il était libre, et qu'il est capable d'apprendre. Que faites-vous d'un prisonnier qui refuse de collaborer? Si un homme refuse de collaborer, on le fout en cellule. Pour combien de temps? Indéfiniment. Tell me, sir, has anybody escaped? Est-ce que des détenus se sont échappés? Oui. Comment les attrapez-vous? On les attrape avec nos chiens et nos gardiens. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Voilà un homme d'ordre et de décision. C'était dans les années 60. C'était un directeur de prison d'État de l'Arizona. Joël Charby, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé, vous en avez fait une thèse sur le droit d'expression des prisonniers en France, aux États-Unis. Juste un mot pour vous situer. Avant que vous ne deveniez, vous m'avez dit, votre spécialité, sociologue de la déviance. Exactement. Vous avez rencontré la prison par votre participation à une association bien connue qui s'appelle Génépi. Exactement, le Génépi, donc le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. J'y ai passé 6 ans. Et avant d'y entrer, je ne connaissais rien des prisons, sinon ce qu'on en dit dans l'espace public. Et puis ça a été déterminant pour moi, puisqu'après je me suis mis à travailler sur le système pénitentiaire français et, depuis ma thèse et après ma thèse, le système pénitentiaire états-unien. Alors, on ne va pas parler des motivations de votre coterne avec qui vous avez travaillé, qu'il faut citer. Exactement. Donc, elle s'appelle ? Elle s'appelle Gonola Ricordo. Et le travail, la comparaison des systèmes carcéraux franco-américains et des révoltes de prison en France et aux États-Unis, c'est un travail qu'on fait à deux depuis 2015. Mais moi, je voulais vous poser quand même une question plus personnelle. Alors, qu'est-ce qui a déclenché vraiment la décision de consacrer votre vie à ce sujet à partir de votre participation à Génépi? Ce qui l'a déclenché, c'est probablement le fait de me rendre compte que jusqu'à présent, je ne savais rien de ce qui se passait dans les prisons, que je me suis rendu compte que, notamment, que les prisonniers parlaient, que les prisonniers et les prisonnières parlaient depuis les années 70 et depuis bien avant, et que de ce que ces personnes avaient pu dire, écrire sur leur enfermement et sur l'enfermement au général, je n'avais, comme la plupart des gens, rien perçu, car rien ne, si peu, sort des prisons. On va commencer au début de l'histoire des États-Unis. On va s'appesantir un peu sur les années 1830. Et à cette époque-là, la question pénitentiaire provoquait de plus vastes débats qu'aujourd'hui, concernait davantage de populations, notamment chez les notables, et était constamment internationalisée. À vrai dire, ça datait peut-être des années 1790. Un Anglais, Bentham, un philosophe utilitariste, publiait un livre sur le panoptique, qui était traduit aussitôt par l'Assemblée constituante à Paris, le panoptique. Kessako, vous avez vu le panoptique là quand on est arrivé dans le studio? Alors, la maison de la radio, c'est un panoptique? On en a parlé un petit peu. Non, a priori, ce n'est pas un panoptique, à moins que jusqu'ici, on soit surveillé par le gardien dans sa tour. Oui, mais il y a une tour. Il y a une tour, effectivement. Et puis, une couronne et des fenêtres qui donnent vers la tour, et la tour peut regarder ce qui se passe à travers les fenêtres. Construction du panoptique. Une maison de pénitence sur le plan que l'on vous propose serait un bâtiment circulaire. Les appartements des prisonniers formeraient le bâtiment de la circonférence sur une hauteur de 6 étages. On peut se les représenter comme des cellules ouvertes du côté intérieur parce qu'un grillage de fer peu massif les expose en entier, à la vue. Une tour occupe le centre. C'est l'habitation des inspecteurs. Mais la tour n'est divisée qu'en 3 étages parce qu'ils sont disposés de manière que chacun domine en plein 2 étages de cellules. La tour d'inspection est aussi environnée d'une galerie couverte d'une jalousie transparente qui permet au regard de l'inspecteur de plonger dans les cellules et qui l'empêche d'être vu, en sorte que d'un coup d'œil, il voit le tiers de ses prisonniers. Et qu'en se mouvant, dans un petit espace, il peut les voir tous dans une minute. Et à dire le vrai, il pourrait ne pas être là, que suffirait l'opinion, comme dit Bentham, de sa présence. Parce que il faut qu'on ait conscience de ça tout au long de cette émission, Joël Charbic, quand on réfléchit au système carcéral, on y réfléchit toujours en termes économiques, en termes d'économie au sens premier du mot. Effectivement, c'est vrai, en France, le panoptique va apparaître effectivement comme une question aussi de réduction des coûts de surveillance. Les débats pénitentiaires qui vont agiter, à vrai dire, la France comme les États-Unis tout au long du 19e siècle vont en premier lieu poser la question du coût des prisons, comment les faire fonctionner à moindre coût, quels investissements faut-il, mais aussi, dans les deux pays, on en parlera, je suppose, des profits qu'elles peuvent générer. Alors, Tocqueville, qui est l'introducteur à partir de son fameux voyage en Amérique, des systèmes pénitentiaires américains dominants à son époque, le système d'Auburn, on est séparé la nuit, on travaille ensemble le jour, le système de Philadelphie, on est séparé nuit et jour, il insiste sur le fait que on peut ainsi économiser des frais de gardiennage. Ça passionne tellement les questions pénitentiaires que peu de temps après son retour en France, il est conseiller général et député de la Manche, il écrit à son notaire. Son notaire, ça l'intéresse d'avoir une lettre manuscrite de Tocqueville sur le système carcéral. 17 août 1838. Mon cher monsieur Langlois, il y a peu de questions qui aient plus agité les esprits en Amérique et en Europe depuis 10 ans que celle de savoir quel nouveau mode d'emprisonnement on devrait substituer à celui que nous avons. Beaucoup de systèmes divers ont été mis en avant. Ils diffèrent les uns des autres par une multitude de nuances. Tous, cependant, peuvent se réduire à deux principaux. Le premier consiste à isoler les détenus pendant la nuit et à les faire travailler en commun pendant le jour et en silence. D'après le second, chaque détenu habite et travaille à part. J'appelle le premier système d'Auburn, le second système de Philadelphie. Le système d'Auburn empêche absolument les conversations nocturnes et tous les actes de dépravation qui ordinairement les accompagnent. Il prévient en partie les communications de jour, mais il n'empêche point que les détenus ne se connaissent et ne se retrouvent en sortant de prison. Le système de Philadelphie prévient également toutes les communications de jour. Non seulement il empêche les détenus de se parler, mais il les empêche de se voir. Il en résulte que quand un homme sort de prison, après quelques années de détention, tous les liens qui pouvaient l'attacher malgré lui au crime sont rompus. Il a perdu de vue ses anciens compagnons et il n'a fait aucune nouvelle connaissance. Dans le système de Philadelphie, la discipline est simple et facile parce qu'elle se sert de murs et non point d'hommes. Un directeur de prison, honnête et intelligent, suffit pour l'introduire et la maintenir dans un vaste édifice. De tous les systèmes d'emprisonnement, c'est celui de Philadelphie qui frappe le plus l'imagination des coupables, ce qui est un grand avantage. On a trop perdu de vue, de nos jours, la nécessité de rendre les prisons intimidantes. Il faut que le détenu n'y souffre pas physiquement, mais il faut aussi qu'il se trouve assez malheureux des suites de son crime pour que la peur l'empêche de violer de nouveau les lois et arrête d'avance ceux qui veulent l'imiter. Un pénitencier modèle Philadelphie est devenu musée. C'est comme ça qu'ils étaient enfermés, derrière ce type de porte ? Oui, il y en avait deux. Une porte métallique à l'intérieur et une en bois à l'extérieur. La première était à charnière et la deuxième à glissière. Ça empêchait les détenus de se parler. Pour empêcher les prisonniers de communiquer entre eux, on les obligeait à porter un masque intégral lorsqu'on les déplaçait de leur cellule. Mais le système d'isolement, il est encore très largement pratiqué aux États-Unis. On discutait de ça dans le monde entier, il y avait des congrès pénitentiaires. Alors, oui, effectivement, les débats que Tocqueville introduit en France, il les introduit en partie parce que depuis le début du 19e siècle, et puis encore plus, à partir des années 20-30, la prison devient vraiment en France, mais aux États-Unis aussi, et dans d'autres pays, un sujet de préoccupation majeure. En France, les statistiques pénitentiaires naissent à cette époque, première moitié du 19e siècle. On s'inquiète, en France comme aux États-Unis, de la récidive, et on s'inquiète des manières de traiter, en quelque sorte, de réformer les prisonniers. Et effectivement, donc, ces préoccupations qui vont d'abord se matérialiser par des voyages, des réformateurs, des invitations à venir visiter telle ou telle prison de tel ou tel pays, vont s'institutionnaliser avec, à partir de 1846, des congrès pénitentiaires internationaux, donc, qui vont succéder tout au long du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui visent à débattre, donc, des meilleures manières qu'ont les réformateurs de cette époque d'envisager le châtiment et le traitement. Tocqueville, il n'aimait pas trop les philanthropes qui pouvaient participer à ces agapes en disant qu'ils étaient efféminés, débiles, lénifiants. Parce que ces philanthropes pouvaient mettre en avant des solutions accommodantes qui paraissaient à d'autres laxistes. Alors, Tocqueville, avant même de partir aux États-Unis, donc visite quelques prisons en France, et est effaré, dans ses propres termes, de voir que les prisonniers ont accès à ce qu'aujourd'hui on appelle la cantine, par exemple. La possibilité de se procurer des produits pour quelque peu améliorer le quotidien, des produits alimentaires, par exemple. Tocqueville a une conception effectivement très stricte de l'enfermement, très conservatrice. Il s'agit de défendre la société contre une classe de criminels. C'est sa conception, effectivement, et c'est ça qu'il va aller chercher aux États-Unis. Mais vous parliez de la nécessité de causer profit quand on débattait des prisons. Il y a eu des délégations au privé, là je parle de la France dès la monarchie de Juillet, sans doute sur le modèle américain. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelait le système de l'entreprise générale, où dès les maisons centrales ont été les meilleurs exemples de ça. Les maisons centrales créées par Napoléon étaient de véritables, voilà, de véritables manufactures carcérales, et il y a des dynasties d'entrepreneurs, de dynasties de familles d'entrepreneurs qui se sont construites par l'exploitation du travail des prisonniers dans ces maisons centrales. Et c'est un système qui a perduré très très longtemps, finalement. Même lorsque la Troisième République a voulu s'opposer quelque peu au régime de l'entreprise générale, il a perduré jusqu'au début du XXe siècle et encore après. Et aux États-Unis, cette ligne va être poursuivie, et on parlera plus tard dans l'émission, de l'émergence de prisons purement privées à partir des années 1980. Là, je parle du XXe siècle. Juste un mot sur les différents types de prisons aux États-Unis. Alors, on entendait tout à l'heure le directeur d'une prison d'État, de l'État d'Arizona, mais c'est pas le seul type de prison. Non, alors effectivement, il y a différents types d'établissements pénitentiaires aux États-Unis. Il y a effectivement des prisons fédérales, où sont envoyés les détenus sous la garde donc de l'État fédéral, et donc des prisons d'État qui sont donc sous la juridiction des différents États fédérés. Il y a eu des tentatives de créer de nouveaux types d'établissements pour, par exemple, dès la fin du 19e siècle, pour éviter ce qui s'appelait à certains moments la prison entrepôt, où étaient stockés les prisonniers en quelque sorte, la création d'établissements, dont certains existent encore aujourd'hui, des réformatoires, qui mettaient l'accent sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la réinsertion, la réforme morale, pouvait-on dire à l'époque, des prisonniers. On va faire un grand pas et passer maintenant aux années 1960-1970, avec, sur votre recommandation, un disque en live de Johnny Cash. Alors Johnny Cash, je crois qu'il a eu mal à partir avec la justice, mais enfin, s'il a passé une nuit en prison, c'est peut-être le maximum, mais il aimait bien dire qu'il y avait passé davantage, et il y allait souvent le jour pour chanter. Effectivement, et donc du coup, je crois que c'est l'enregistrement de San Quentin, dont la vidéo montre bien qu'elle provoque une certaine effervescence 69. À l'intérieur de la prison. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le système carcéral des États-Unis. Johnny Cash chante en 1969. C'est un tournant d'ailleurs, cette date. Les années 70 vont être marquées, Joël Charby, par des révoltes nombreuses dans les prisons américaines qui accompagnent le moment révolutionnaire noir dans le pays. Alors, effectivement, c'est très vrai ce qui va se passer aux États-Unis, mais qui se passe aussi, enfin, c'est une décennie de révolte dans les prisons au niveau international, mais aux États-Unis, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des révoltes de prisonniers qui rencontrent, en quelque sorte, le mouvement d'émancipation des Noirs américains, et notamment le mouvement du Black Panther Party, qui va, en quelque sorte, articuler ses revendications à, finalement, l'histoire du système carcéral états-unien. La thèse qui va être avancée à ce moment-là, et qui est soutenue, c'est que, finalement, le système carcéral états-unien est pour les Noirs américains un équivalent, une poursuite de la mise au travail forcé dans le système plantationnaire à travers l'esclavage. Et c'est une thèse, c'est un mouvement, un combat en fait, qui est tout à fait illustré par le 13e amendement, celui qui, en quelque sorte, vient après l'abolition formelle de l'esclavage et qui explique que l'esclavage ne saurait être toléré aux États-Unis et la mise au travail forcée, sauf condamnation pénale. Et donc il y a bien une base pour montrer la poursuite, en fait, le prolongement du système plantationnaire dans le système pénal états-unien. Donc les Noirs sont en très forte proportion dans les prisons américaines. Bruce Jackson avait publié en français dans la collection Terre humaine un livre qui s'intitulait « Leur prison ». Et George Jackson est assassiné en prison le 21 août 1971. Et au mois de septembre, voici que couve une révolte à Attica. Alors Attica, c'est une prison d'État de l'État de New York, mais qui est assez loin de la ville, hein. Très très loin de la ville. Et le délégué des prisonniers s'adresse ici au surintendant de la justice. Nous y en voilà. Une réclamation. Elle est rejetée. Vous et votre peuple cherchez à nouveau des problèmes, monsieur Bichon. Comment allez-vous résoudre ces problèmes, monsieur le surintendant? Vous nous transférez dans tous les autres états? Si vous continuez vos activités subversives et perturbatrices, oui, en effet. Vous ferez l'objet d'un transfert immédiat vers une autre prison. En fait, ce serait comme de vous coincer les couilles dans une porte pivotante, Bishop. On demande une meilleure nourriture. On demande de meilleurs médecins et installations. On demande la suppression pure et simple de la censure sur la correspondance avec nos avocats. On demande le droit au culte de notre choix. On demande un système de réinsertion efficace. C'est tout pour aujourd'hui? Vous n'avez rien d'autre, rien de nouveau à dire? Vous vous défilez encore, monsieur le surintendant. Ici, c'est Attica. Et jamais on ne pliera. Faites-vous brûler ! Ils ont pris le bloc D. Ils avancent vers les autres. Il faut entamer la discussion. La butinerie commence avec prise d'otages de gardes. C'est un téléfilm de John Frankenmeyer sur la révolte de 71. Et qui va se poursuivre et se terminer comment? Alors, la révolte d'Attica, en fait, peut aussi être appelée le massacre d'Attica, puisque après un siège de plusieurs jours, effectivement, l'assaut va être donné sur la prison, ça va se conclure par la reprise des murs, et puis la mort de 32 prisonniers tués par les forces qui donnent l'assaut, et de 10 gardiens qui meurent aussi à cette occasion. Vous avez étudié le mouvement d'expression qui a suivi dans les années 70, et qui n'a été interrompu peut-être qu'en 1977. Alors, oui, en effet, parce que Attica, c'est à la fois donc un massacre et une mutinerie, mais c'est aussi non pas le coup d'envoi, mais le symbole d'un mouvement de prisonniers qui est en train de naître. Une des revendications qui n'était pas dans le cours extrait, mais une des revendications des prisonniers d'Attica, c'était celle d'avoir le droit de former des syndicats pour résister aux conditions de travail, pour demander du salaire et pour former un contre-pouvoir. Et de mutinerie en révolte, de révolte en création d'organisation, c'est un mouvement qui va se structurer pendant toute la décennie 70. Parallèlement, il va se passer aussi que les tribunaux et la Cour suprême américaine va passer d'une doctrine de laisser-faire à une doctrine en tout cas plus interventionniste sur la question du droit des prisonniers. Et donc les mouvements de prisonniers, le mouvement social des prisonniers et le développement des droits des prisonniers vont amener effectivement à la construction d'un grand mouvement et qui, comme vous l'avez dit, va connaître un coup d'arrêt en 77 au moment où finalement la Cour suprême va décider que les organisations de prisonniers n'étaient pas couvertes par la protection du premier amendement des États-Unis sur la liberté d'expression. Donc impossibilité de se syndiquer, ce n'est pas un droit pour les prisonniers. Internationalisation de la question carcérale américaine, c'est le fil rouge depuis le début de cette émission. Attica va avoir un écho dans le monde. Alors, Attica va avoir un écho dans le monde, dans la culture populaire états-unienne, mais bien au-delà, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure en plus, également, la décennie 70, c'est la décennie des mouvements de prisonniers, et pas uniquement qu'aux États-Unis. En France, par exemple? En France, effectivement, il y a donc... il y a un groupe d'informations sur les prisons qui s'est créé au début de la décennie 70, le GIP, voilà, avec la figure tutélaire un petit peu de Michel Foucault. Michel Foucault va aux États-Unis, va voir du coup ce qu'il reste de la prison d'Attica, revient avec une brochure, la diffuse en France dans le cadre du GIP, et il se trouve que cette évocation du mouvement des prisonniers et d'Attica coïncide quelques mois avec le début des grandes révoltes dans les prisons françaises, à Toul, puis à Nancy, donc fin 71 début 72, et après c'est tout le mouvement des prisonniers français qui se met en mouvement jusqu'aux années 80 en quelque sorte. Souvenir personnel, juste après la révolte de Toul, je suis reçu par l'aumônier de la prison qui avait joué un rôle de médiation dans la révolte et qui me dit « Ah, ce fauteuil là où vous êtes, c'est là qu'était assis Michel Foucault avec son compagnon ». Il n'en revenait pas, l'aumônier, de cette possibilité de faire synthèse entre des gens d'opinions différentes, mais concordant sur le thème des prisons. Et là aussi, ça s'est arrêté assez rapidement. On a dit, c'est la thèse de Philippe Artière, par exemple, que les années d'après Attica, bon, elles ont provoqué des réflexions, quelques expérimentations, mais elles ont provoqué aussi une fuite en avant. Et c'est une explosion du nombre des prisonniers à laquelle on assiste aux États-Unis. Oui, c'est une explosion, effectivement, qui a commencé dans les années 70 et qui a connu effectivement une importante croissance, vraiment très importante, et notamment dans les années Nixon, au moment où l'heure est à la guerre contre la drogue de Nixon. Et donc ça aura tout un tas de conséquences dont on va parler, je pense, mais notamment l'explosion du système pénitentiaire et l'arrivée de nouveaux acteurs. Alors on peut donner quand même quelques chiffres d'aujourd'hui. La population carcérale américaine, c'est le quart de la population carcérale mondiale, c'est le tiers de la population carcérale féminine mondiale, et c'est 1% de la population américaine. Oui, 1% de la population américaine, plus de 2 millions de personnes, avec une surreprésentation, du coup, des prisonniers appartenant à des minorités raciales, et notamment les Afro-Américains. Mais aussi les Latinos, oui, qui étaient présents d'ailleurs à Attica. Et l'idée vient, puisque l'État ou les États ne parviennent pas à suivre, l'idée vient, on pourrait peut-être confier au privé, on se souvient de ce qui s'était passé au 19e siècle déjà, une partie des tâches, et même beaucoup des tâches, le privé signant un contrat avec la justice, un contrat de détention, il va s'occuper de tout. Alors, nous sommes dans une prison privée en 1985, la haute époque des prisons privées. C'est un reportage de TF1, c'est peut-être après la privatisation de TF1, une sorte de solidarité qu'on entend entre les journalistes de la chaîne Bouygues et les témoins de cette prison privée qui s'appelle Silverdale. Ne vous fiez pas au drapeau. La bannière étoilée aux États-Unis ne flotte pas que sur les bâtiments publics d'État. Bienvenue au pénitencier de Silverdale, qui appartient à la Corporation correctionnelle d'Amérique, membre à part entière du secteur privé. L'autorisation est donnée par une agence de gouvernement qui a besoin de passer contrat avec une entreprise de services correctionnels. Cette nécessité vient d'un problème de surpopulation carcérale, l'État ayant plus de prisonniers qu'il ne peut en recevoir. Dans une telle situation, le gouvernement décide du nombre de personnes à incarcérer et de la durée de la peine. Puis, il fait un appel d'offres à notre corporation pour un contrat de détention. Cellules individuelles, à deux ou mini-dortoir. Une journée de prison revient ici à 21$ par jour et par personne, soit environ 170 francs, contre 26 à 30$ dans le secteur public. Dans les dortoirs, à peine une bagarre de temps en temps, c'est plutôt calme, l'équipe de TF1 Washington a pu s'y laisser enfermer sans gardien et discuter avec les prisonniers. Pour avoir connu les deux, il compare avec le système d'internement classique. C'est mieux ici, c'est mieux que d'être dans des murs aveugles, comme à la prison de Nashville. En plus, je ne suis qu'à 20 km de la maison. Ma femme peut venir me voir très souvent. Et surtout, vous n'avez pas l'élément criminel ici. Là-bas, vous avez des types qui ont pris pour deux ou trois fois perpétuité. Ici, quand vous tirez 5 ans, c'est la peine maximum. Bref, c'est si bien qu'il y a pas mal de sociétés qui investissent dans ce domaine. L'une d'entre elles peut avoir des intérêts aux États-Unis, mais aussi bien en Australie, en Afrique du Sud ou au Royaume-Uni. Sauf que, la réflexion, 20 ans après... Alors, 20 ans après, le système des prisons privées et des profits faramineux faits par les acteurs qui les gèrent sont sous le feu des critiques. Il a été question à un moment... Alors, c'est une petite partie du système carcéral états-unien, à peu près 133 000 personnes au début des années 2010, remis en cause donc sous la présidence d'Obama. Remise en cause partiellement en tout cas, mais finalement cette remise en cause ne sera pas allée bien loin parce que dès l'élection de Donald Trump, il a été demandé de revenir sur ces régulations et les valeurs en bourse des entreprises qui gèrent les prisons privées ont fait un bond faramineux. Donc les prisons privées sont loin d'être l'histoire ancienne aux États-Unis. Mais quand on parle prison aux États-Unis comme ailleurs, il faut toujours parler économie. Alors la question du travail des prisonniers est au centre de grandes grèves qu'on a ignorées ici, en 2016 ou en 2018. Alors exactement, c'est bien le cas. En 2016 et 2018, les conditions de travail, la rémunération ou l'absence de rémunération, puisque dans certains États, les prisonniers travaillent de manière obligatoire mais sans aucune rémunération. Donc la question de la rémunération, des conditions, des droits ont été au cœur de deux grandes grèves qui sont parmi les plus importantes qu'ait connu le système carcéral états-unien. On estime à peu près à, pour celle de 2016 en tout cas, 25 000 participants, 1% des détenus, ce qui est particulièrement important, se sont mis en grève, ont fait des appels à l'action qui ont été coordonnés par une organisation, un syndicat de prisonniers qui s'appelle l'IWOC, l'Incarcerated Worker Organizing Committee, et des organisations de défense des prisonniers, en l'occurrence le Free Alabama Movement et Jailhouse Lawyers Speak, qui sont des organisations de défense des prisonniers menées par les prisonniers eux-mêmes. Et donc ces deux grandes grèves ont une ampleur particulièrement grande, elles ont peu été médiatisées, peu été connues en France, mais ce sont des événements particulièrement importants qui secouent le système carcéral états-unien. Le système carcéral états-unien, d'abord je note que vous employez états-unien, vous êtes le premier de notre série d'invités, et vous dites complexe militaro, non, carcéro, industriel, c'est une adaptation de industrialo, industriel, militaro-industriel, je confonds, pardonnez-moi, c'est votre faute. C'est vous qui faites la confusion, non? C'est excessif? Non, ce n'est pas excessif du tout. On en a parlé depuis le début. Le développement donc des formes les plus agressives du capitalisme, le développement du capitalisme et des prisons sont allés souvent de pair. Que ce soit pendant la guerre de sécession avec la location des anciens esclaves reconvertis dans le système pénitentiaire à des entrepreneurs, ou aujourd'hui avec la multiplication des profits des prisons privées, il y a bien matière à parler d'un complexe carcéralo-industriel. On aime bien la publicité, nous. Bonjour Fabrice Drouel, maintenant sur France Inter. Juste un mot pour finir de McDonald's. Vous pouvez faire un peu de publicité pour McDonald's et les prisons. Il y a un lien? Alors effectivement, deux grandes entreprises, on pourrait parler de McDonald's ou d'autres, qui utilisent AT&T ou Starbucks. Non mais il faut le dire. Qui font travailler les prisonniers pour quasiment pas de rémunération ou pas à la réalisation de leurs produits. Merci à vous, Joël Charby. Cette émission a été préparée par Franck Olivard avec à la technique Rémi Sistiaga, à la réalisation Audrey Ripouille. Merci beaucoup. Alors, on a fait la comparaison, Fabrice Drouel, entre les États-Unis et la France. Une petite opération de benchmarking entre deux vedettes françaises. Absolument. Deux grands politiques français, deux hommes d'État français. Comme vous diriez, ce sera politico-politique, après militaro-militaire. Foutez-vous de moi. Ce sera vraiment politique. C'est vrai que c'est l'une des plus belles joutes politiques de la Ve République en France. Entre Clémenceau, Jaurès, non. Bah, non. Non, bah, non voilà, c'est Mitterrand-Rocard. Mitterrand-Rocard. Il y en a eu plusieurs. Voilà.